Thank you. Thank you. Excuse me, I tried to check that. Thank you. Excuse me, is the clipping now or not? Sinon tu peux parler français, super. Et tu peux juste me dire si c'est en train de clipper ou pas. Ouais, 19e. J'ai un petit problème de réglage avec l'interface. J'utilise un H2, je sais pas si c'est bon. J'ai mis au minimum. T'as un son pour grave. Ah, c'est con. Merci. Ça m'étonne pas. C'est dommage parce que c'est du bon matériel. J'ai un son pour. Allez, Don't Understand, Sarah Peace. Bruit de fond. Bah désolé les gars, je vous laissais tranquille parce que visiblement ma carte n'est pas compatible. Merci quand même et j'espère à bientôt. Ciao! Ouais, attends, j'arrive. Non, non, mais je joue au casque, mais je sais pas, il y a un souci apparemment avec le Mac. Bah désolé les gars. Bon kiff à vous.